Chapitre 9e. Ce qui advint de Cunégonde, de Candide, du grand inquisiteur et d'un juif. Cet Issacar était le plus colérique hébreu qu'on eût vu dans Israël depuis la captivité en Babylone. Quoi, chienne de Galiléenne ? Ce n'est pas assez de monsieur l'inquisiteur, il faut que ce coquin partage aussi avec moi. En disant cela, il tire un long poignard dont il était toujours pourvu. Et ne croyant pas que son adverse parti eût des armes, il se jette sur Candide. Mais notre bon Westphalien avait reçu une belle épée de la vieille avec l'habit complet. Il tire son épée, quoiqu'il eût les mœurs fort douces, et vous étend l'Israélite roi de mort sur le carreau, au pied de la belle Cunégonde. Sainte Vierge, qu'allons-nous devenir ? Un homme tué chez moi, si la justice vient, nous sommes perdus. Oh, si Pangloss n'avait pas été pendu, il nous donnerait un bon conseil dans cette extrémité. Car c'était un grand philosophe. À défaut, consultons la vieille. Elle était fort prudente et commençait à dire son avis. Quand une autre petite porte s'ouvrit, il était 1 heure après minuit, c'était le commencement du dimanche, ce jour appartenait à Monseigneur l'Inquisiteur. Il entre et voit le fessé Candide, l'épée à la main, un mort étendu par terre, Cunégonde effarée et la vieille donnant des conseils. Voici dans ce moment ce qui se passa dans l'âme de Candide et comment il raisonna. Si ce saint homme appelle du secours, il me fera infailliblement brûler. Il pourra en faire autant de Cunégonde. Il m'a fait fouetter impitoyablement. Il est mon rival. Je suis en train de tuer. Il n'y a pas à balancer. Ce raisonnement fut net et rapide, et sans donner le temps à l'inquisiteur de revenir de sa surprise, il le perce d'outre en outre et le jette à côté du juif. En voici bien d'une autre, il n'y a plus de rémission. Nous sommes excommuniés, notre dernière heure est venue. Comment avez-vous fait, vous qui êtes né si doux, pour tuer en 2 minutes un juif et un prélat ? Ma belle demoiselle, quand on est amoureux, jaloux et fouetté par l'Inquisition, on ne se connaît plus. La vieille prit alors la parole et dit « Il y a 3 chevaux andalous dans l'écurie, avec leur selle et leur bride, que le brave Candide les prépare. Madame a des mouillas d'or et des diamants. Montons vite à cheval, quoique je ne puisse me tenir que sur une fesse, et allons à Cadix. Il fait le plus beau temps du monde. » Et c'est un grand plaisir de voyager pendant la fraîcheur de la nuit. Aussitôt, Candide selle les 3 chevaux. Cunégonde, la vieille et lui font 30 000 d'une traite. Pendant qu'ils s'éloignaient, la sainte Hermandade arrive dans la maison. On enterre Monseigneur dans une belle église et on jette Issacar à la voirie. Candide, Cunégonde et la vieille étaient déjà dans la petite ville d'Avacena, au milieu des montagnes de la Sierra Morena, et ils parlaient ainsi dans un cabaret.